Amis Capricorne, bonjour. Nous allons regarder quel va être votre petit message de l'oracle de Béline pour vous au mois de mars 2023. Donc, on est le 1er mars. Alors, apparemment, il y a des opportunités à saisir concernant un contrat, une bonne affaire, un boulot. Bon, c'est déjà pas mal. Une possibilité de stage aussi, une très bonne possibilité pour vos études. Donc, ça, tout ça. Déjà, la coupe, elle est sympathique, elle est dynamique. 1, 2, 3. Capricorne, mars 2023. Alors, il est possible que vous ayez, après un moment d'hésitation, de tergiversation, peut-être que ces derniers temps, vous ne savez plus vraiment, vous êtes posé pas mal de questions, ou vous allez vous en poser début mars sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas faire, ce que vous ne voulez plus faire non plus. Cela concerne, le travail, les activités en général. Et donc, c'est vrai que par rapport à cela, eh bien, vous pourriez commencer un nouveau cycle d'études, une nouvelle formation pour changer, on va dire, votre façon de gagner de l'argent. Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous allez vraiment envisager, et vous allez sans doute avoir la possibilité de le faire, une reconversion professionnelle. Vous allez, pour ceux qui sont aux études, eh bien, peut-être vous poser des questions et vous demander si vous êtes au bon endroit. Et peut-être à ce moment-là, commencer à vous renseigner pour changer de sujet, d'études. Voilà, c'est en ce qui concerne tout cela. Maintenant, si vous êtes plus stable, bon, bien, c'est de toute façon, peut-être que vous allez être attiré par avoir le coup de foudre, être attiré par une autre activité que votre travail, et peut-être que vous allez avoir envie d'élargir votre champ de vos connaissances à travers peut-être justement, pourquoi pas, un stage ou quelque chose comme ça. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez le faire là, le stage, hein, au mois de mars, mais en tout cas ici, ça parle de cheminement de pensée et vous allez commencer à vous renseigner. Donc, sur un changement d'emploi, une nouvelle formation, un changement d'études, etc. Et en tout cas, ça va vraiment vous apporter, vous allez trouver, hein, cela va vous apporter la paix. Donc, n'hésitez pas ne vous inquiétez pas si vous vous posez beaucoup de questions, c'est pour trouver la bonne voie. Alors, bon mois de mars!